l'oncle Baudu avait sa boutique au Vieil Elbeuf, draps et flanelles, face au Bonheur des Dames. Lorsque leur père était mort, emporté par la même fièvre qui avait pris leur mère un mois auparavant, l'oncle Baudu, dans l'émotion de ce double deuil, avait bien écrit à sa nièce qu'il y aurait toujours une place chez lui, pour elle, le jour où elle voudrait tenter sa fortune à Paris. Mais cette lettre remontait déjà à près d'une année, et la jeune fille se repentait maintenant d'avoir ainsi quitté Valognes en un coup de tête, sans avertir son oncle. Or, les affaires ont mal tourné, et l'oncle Baudu ne peut embaucher Denise. En effet, au Bonheur des Dames, actuellement dirigé par Octave Mouret, fils de François Mouret et de Marthe Rougon, prospère tellement qu'il ruine les petites boutiques du quartier et ne cesse de s'agrandir, ce qui exaspère les Baudus au Vieil Elbeuf.